Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'une belle compétition qui s'est déroulée en fin de semaine du côté de Longueuil. Et plusieurs athlètes du Club du Mille du secteur de Dolbeau est en action. D'abord, à noter qu'au niveau des marcheurs, médaille d'or pour Caroline Dufour. Elle a remporté la médaille d'or aux 1500 mètres marche. Elisabeth Simard a terminé au quatrième rang aux 3000 mètres marche. Maintenant, aux 800 mètres, Sarah-Jeanne Simard de Dolbeau-Mistassini a pris le premier rang. Elle a remporté la médaille d'or. Elle a établi un nouveau record de la compétition, un record de l'événement. Maintenant, à noter aussi qu'il y avait d'autres athlètes qui étaient en action là-bas. Miralie Mathieu, aux 2000 mètres course, cadette fille, a terminé au 10e rang. Dans le cas de Miralie Mathieu, c'est son meilleur temps personnel avec un temps de 7 minutes 43 secondes et 31 centièmes. À noter également qu'au 2000 mètres, course cadet garçon, Gabriel Lamontagne a pris le 8e rang au classement total avec un temps de 6 minutes 39 secondes et 5 centièmes. Et également au 800 mètres, toujours en course, Miralie Mathieu et Marguerite Tremblay ont terminé respectivement 14e et 17e. Parlons maintenant du Grand Prix cycliste de Ville-Saguenay. Ça s'est déroulé au cours de la fin de semaine. Et Steve Fisher, l'Américain, a remporté les grands honneurs. Guillaume Boivin a terminé au deuxième rang. Et le troisième rang est allé à Hussie Castillo, qui a pris le troisième rang. C'est un gala méritant en fin de semaine de la Fédération canadienne de patinage de vitesse sur courte piste. Et Marianne Saint-Gelin a été choisie comme patineuse de l'année. Évidemment, Marianne, grâce à sa belle prestation tout au long de la saison, a obtenu ce titre. Maintenant, au soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues hier. D'abord, à noter que samedi, le Célestre de Chipougamau a perdu 5-2 face au Boreal d'Alma et a perdu également 4-2 contre le Boreal d'Alma. Dans le U14 masculin, gain de Saint-Ambroise 3-0 sur Dolbeau-Mistassini. Et dans la catégorie U12 féminin, Saint-Félicien 7, Saint-Ambroise 1. Et le FC du Fjord a défait le FC de Saint-Félicien par la marque de 8-1. Le sport local et régional, à danradiosport.com.